إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on a laissé hier au cours numéro 26, on s'est arrêté, aujourd'hui on va faire le cours numéro 26, et on est arrivé à la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lorsqu'il dit « وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا » Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique que parmi les signes d'Allah, parmi les signes de son existence, les signes de sa puissance, les signes de sa sagesse, les signes de sa grandeur, il y a la nuit et le jour. Wa alaykum salam wa rahmatullah. La nuit et le jour, le soleil et la nuit. Et parmi les signes de sa création, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, il y a ou plutôt parmi ses créatures, il y a les sept cieux et les sept terres et ce qu'il y a en elles et ce qu'il y a entre elles, à l'intérieur des sept terres et ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Le Cheikh explique, Cheikh Zayd al-Madkhali, hafizahullah. الليل والنهار والشمس والقمر أي إن هذه الآيات أبرز المخلوقات التي نشاهدها في كل لحظة من اللحظات. Donc, parmi les signes d'Allah, la nuit et le jour, le soleil et la lune. Le Cheikh dit que ça c'est parmi les signes d'Allah qui sont parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les plus apparentes que nous pouvons voir à chaque instant parmi les différents instants de la journée. ثم ذكر من الآيات الكونية الليل يقبل بظلامه ثم ينجلي ويأتي النهار بضيائه وهكذا يتعاقبان بقدرة العزيز العليم وفيهما من العبرة وفيهما من الدلالة على قدرة الله عز وجل الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لكن لتكرار الجديدين لتكرار الجديدين أو الجديدين الليل والنهار يغفل الإنسان عن الاعتبار بهما وعن عظيم صنع الله سبحانه وتعالى وتسهيله لهما. Donc le Cheikh explique que ensuite Allah parle des signes qu'il a fait dans la création et dans l'univers. La nuit qui enveloppe toute chose par son obscurité et par sa noirceur, puis elle s'en va et le jour vient avec sa lumière. Et les deux se suivent et se succèdent, les uns après les autres. Tout ça par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant et l'Omniscient. Et donc, il y a des leçons à tirer de ces deux créations-là que Allah subhanahu wa ta'ala a faites. Et c'est donc à nous de réfléchir à ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans ces signes-là également des preuves de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit. Mais étant donné que ces deux choses-là se répètent et se renouvellent à chaque fois, la nuit et le jour, les gens deviennent insouciants, indifférents devant ces signes. Pourquoi? Parce qu'à force de les voir à chaque fois, ça devient quelque chose qui est banal. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc à force de le voir régulièrement, tous les jours, on voit le soleil se lever, se coucher, la lune, on la voit, puis après c'est la nuit, après c'est le jour, on voit ça continuellement, depuis qu'on est petit jusqu'à notre mort, on le voit. Donc on dit, ça c'est normal, c'est quelque chose qui se produit comme ça. Et on ne réfléchit pas à la grandeur de tout ça et à la perfection de tout ça et comment Allah subhanahu wa ta'ala a organisé et réglé et comment il gère tout ça. Donc ça c'est pour, en fait, pour nous faire réfléchir et pour qu'on s'arrête un peu pour prendre le temps de se poser des questions sur ce qu'on voit et sur ce qui se passe et pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il a créé de ces perfections là. Il dit ensuite وَمِنْ أَعْظَمِ الْمَنَافِعِ وَالْفَوَائِدَ الدِّينِيَّ وَالدُّنْيَوِيَّ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا يُوَفِّقُ لَهُ الْعَبْدِ أو العباد من فعل الطاعات فرائض وواجبات ومستحبات وسائر القربات واجتناب المنهيات. وهذا المعنى أشار إليه أو أشار الله إليه بقوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني يخلف كل منهما الآخر أو يخلف كل واحد منهما الآخر وليس لهما منتهى حتى يأتي اليوم المعلوم الوقت المعلوم الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Donc le cheikh dit parmi les plus grands bienfaits et les choses bénéfiques sur le plan de la religion et sur le plan de la dunya dans le jour et dans la nuit, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses serviteurs le succès dans ce jour et dans cette nuit de faire des actes d'obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir les actes obligatoires, d'accomplir les actes qui sont recommandés et toutes les autres formes de rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala, et également de s'écarter des choses qui ont été interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la signification par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué ce genre de signification là comme le verset 62 dans sourate Al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et c'est lui qui a fait la nuit et le jour se succédant pour celui qui veut se souvenir, hein, et se rappeler, ou qui désire être reconnaissant. Donc ça c'est des signes qu'Allah a créés pour celui qui désire se souvenir d'Allah, se rappeler d'Allah, ou bien être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, donc établir l'adoration d'Allah. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait se succéder chacun de ces deux, hein, de ces deux états, le jour et la nuit, et ils n'ont pas de fin jusqu'à ce que Allah jusqu'à ce qu'ils arrivent au terme prédéterminé par Allah subhanahu wa ta'ala, l'heure et le moment qui est connu uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel la terre deviendra autre que la terre et les cieux deviendront autres que les cieux, et ils seront devant Allah subhanahu wa ta'ala l'unique et le contraignant. C'est-à-dire que les cieux et la terre le soleil et la lune se succèdent comme ça, l'un après l'autre, le jour et la nuit, jusqu'à un terme prédéterminé par Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier arrive. C'est là que tout commence à devenir différent, tout change. La terre n'est plus comme la terre, les cieux ne sont plus comme les cieux. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que la fin des temps, le dernier des grands signes, c'est que le soleil se lève par son couchant. Hein, le soleil se lève par son couchant. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il n'y a plus de repentance. Hein, il n'y a plus de repentance à partir de ce moment-là. Le soleil se lève à l'ouest. Naam. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? وَهَكَذَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ فَالشَّمْسُ تَضِيءُ الْكَوْنِ بِطُلُوعِهَا وَفِيهَا مِنَ الْمَنَافِعِ لِلْأَبْدَانِ وَالْأَشْجَارِ وَلِلدَّوَابِ وَلِلْأَرْضِ عَلَى الْعُمُومِ وَمَا هُوَ مَلْمُوسٌ وَيَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ رُزِقَ التَّفَكُّرُ وَالتَّأَمُّلُ فِي مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ. Donc le cheikh il dit que de même que le soleil et la lune, il y a en ces deux créatures-là des grands bienfaits et du bien pour les créatures sur le plan de la religion et sur le plan de la dunya. Le soleil, il illumine l'univers lorsqu'il se lève et il y a dans ça du bien pour les corps, pour les arbres, pour les animaux, pour la terre et pour... Il y en a toutes les choses qui existent sur la terre en général. Hein? Et c'est pour cette raison-là que, étant donné qu'il y a du bien dans la création du soleil, dans le fait qu'Allah a créé le soleil, il y a beaucoup de bien, certains parmi les mouchriquins se sont même tournés vers le soleil pour l'adorer. Hein? Parce qu'ils ont cru que, étant donné qu'il ramenait tellement de bien, qu'il méritait d'être adoré. Et bien entendu, on sait que c'est une créature d'Allah, donc il ne mérite pas d'être adoré. Et s'il fait du bien, c'est uniquement parce que Allah l'a créé ainsi, pour faire du bien à sa création. Donc, il faut ne pas adorer la création, mais adorer plutôt le créateur du soleil. Hein? Et également, le cheikh, il dit donc dans le soleil et dans la lune aussi. Dans la lune, il y a une clarté pour les êtres humains, même pendant la nuit, pour qu'ils puissent voir quelque chose. Et on voit ça la différence lorsqu'il y a une nuit qui n'a pas de lune et une nuit dans laquelle il y a une lune. Hein, surtout quand c'est la pleine lune, on voit beaucoup plus clairement et on voit quand même une lumière. Hein, et si tu es dans un endroit, par exemple, là on est dans des grandes villes où il y a de la lumière toute la nuit, 24 sur 24, mais si tu es dans un endroit, par exemple, où il n'y a aucune électricité, et que c'est une nuit avec une pleine lune, eh bien tu vois la différence par rapport à une nuit où il n'y a pas de lune du tout. Tu vois que quand il y a la lune qui est claire, et qu'il n'y a pas de nuages, que, on voit quand même. Il y a une clarté. Tandis que quand il n'y a pas de lune du tout et qu'il n'y a pas d'électricité, eh bien c'est les ténèbres. Et même si tu places ta main devant ton visage, eh bien tu ne peux même pas voir ta main, tellement il fait noir. Hein, et je me rappelle de ça, ça m'est arrivé une fois quand j'étais parti en Haïti, eh bien on marchait dans la rue, on ne voyait même pas devant nous. Et quand il y avait une voiture qui passait, là on avait un peu de lumière. Mais sinon, on était dans les ténèbres totales, même que je plaçais ma main devant mon visage et puis je voyais même pas si j'avais ma main devant moi ou non. Donc c'est des exemples. Et le soleil, on sait que il nourrit également les plantes, hein, parce que les plantes, en particulier les plantes vertes, elles se nourrissent par la lumière, hein, par la lumière du soleil et par l'énergie. Donc ces plantes-là, les animaux les mangent. Les êtres humains les mangent, ça leur donne de la nourriture. Et donc, ça donne tout ça, il y a du bien pour les êtres humains, il y a du bien pour les créations. Même les animaux mangent des plantes, les animaux, les insectes et tout. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est derrière tout ça, c'est lui qui a créé tout ça. Et donc, le cheikh, il dit, il y a un bienfait pour toutes les créatures, et c'est quelque chose de palpable, de concret. Et toute personne qui a obtenu d'Allah la réflexion, le don de la réflexion et la capacité de réfléchir et de méditer sur les créatures, eh bien, il arrive à voir et à comprendre ces choses-là. Après, le cheikh, il donne des exemples. Il dit, « فَلَوْ بَقِيَ اللَّيْلِ مُمْتَدًا بِدُونِ نَهَارٍ لَحَصَلَ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ. » وفي الأجسام وفي الأرزاق وفي المزارع وغير ذلك. ولو بقي النهار سرمدا بدون ليل لحصلت المشقة وتغيرت الأمور على مجاريها. Et ça c'est la vérité. Le cheikh il dit, si la nuit était continuelle, sans jour, eh bien il y aurait un désordre sur la terre, hein, et dans les corps et dans les subsistances qu'Allah nous donne, et dans la cultivation, les cultures qu'on fait, l'agriculture et toutes les autres choses. Si c'était toujours la nuit, il y aurait des problèmes dans ces choses-là. On ne pourrait pas. Hein? Vous imaginez que la nuit, toute l'année, hein, tous les jours, que ce serait tout le temps la nuit, tout le temps, et qu'il n'y aurait jamais de jour, on vivrait tout le temps dans l'obscurité, dans la noirceur. Mais ce ne serait pas possible. Hein? Et la même chose, le cheikh il dit, « وَلَوْ بَقِيَ النَّهَارْ سَرْمَدًا بِدُونِ لَيْلْ لَحَصَلَتَ الْمَشَقَّةِ وَتَغَيَّرَتِ الْأُمُورِ عَلَى مَجَارِهَا. » Si c'était toujours le jour et qu'il n'y avait jamais de nuit, hein, toujours il faisait soleil, il y aurait eu beaucoup de désordre et il y aurait beaucoup de difficultés pour les gens. Et les choses ne pourraient plus continuer de la manière dont elles fonctionnent actuellement. Et si vous voulez juste un exemple de ça, vous pouvez aller dans le pôle Nord ou dans le Nord, hein, en Alaska ou dans des pays qui sont très élevés comme on dit on dit latitude, hein, c'est ça. Donc si tu montes, plus haut tu vas et plus parfois même il y a des endroits où pendant 6 mois il fait que le jour et pendant 6 mois il fait que la nuit. Hein. Et ça il y a des endroits comme ça et les gens qui ne sont pas de là-bas et quand ils vont là-bas, eh bien, ils ont beaucoup de difficultés à s'habituer à ça et à prendre le rythme normal de la vie. Parce qu'on est habitué avec le jour et la nuit pour s'organiser, pour se reposer, pour faire nos activités. Mais là-bas, c'est constamment le jour ou constamment la nuit. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on ne sait plus quand est-ce que la journée s'arrête. Mais on ne sait plus donc quand est-ce qu'on doit aller se reposer. Les gens se basent sur le réveil, hein, pour savoir est-ce que c'est le jour ou la nuit. Ils ne peuvent pas savoir. Hein. Imaginez, subhanallah. Donc c'est comme lorsqu'on est emprisonné à l'intérieur, dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre, et qu'on est là-bas pendant des mois ou de longues durées de temps, et qu'on n'a aucun contact avec l'extérieur. Eh bien, on arrive à un moment donné, on ne sait plus quand est-ce que c'est le jour, quand est-ce que c'est la nuit, quand est-ce que c'est... Hein? Parce qu'on ne voit plus le jour et la nuit. Donc, c'est ça qui arrive. Donc, c'est pour nous faire réfléchir, en fait, aux grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah subhanahu wa ta'ala a bien fait les choses. Nous, on ne prend pas en considération ces choses-là, des fois, parce qu'on est tellement habitué de les voir que ça devient banal. Donc, tout ça, c'est pour nous faire réfléchir. Et surtout à l'époque moderne, parce qu'on vit dans une époque où les hommes ont tellement été accrochés aux grandes villes et à la modernité, à tous les moyens techniques qui ont été inventés, on n'a plus de contact direct avec la nature qui est autour de nous et les choses que Allah a créées et ses signes. C'est comme si on dirait qu'on est tellement entouré par des choses, hein, de techniques, de technologies, qu'on oublie de regarder le ciel, on oublie de regarder les étoiles, on oublie de regarder la lune et le soleil, et de regarder toutes ces choses-là. On commence même parfois, Allah Musta'an, à penser que ces choses-là font partie des moyens techniques que les êtres humains ont inventés eux-mêmes. Hein? On oublie que tout ça, c'était Allah qui l'a créé, et que c'était pas l'être humain qui l'a créé. C'est pas l'être humain qui l'a organisé comme ça. C'est Allah qui l'a organisé comme ça pour nous. Hein? Et ça nous amène à être reconnaissants et à réfléchir et à établir l'unicité d'Allah et le tawhid d'Allah. Il dit, وَلِهَذَا ذَكَرَ اللَّهُ أُمَّةَ الْقُرْآنِ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ يعني تصريف الليل والنهار وتعاقبهما كما هو مشاهد ومعلوم حيث قال سبحانه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. إنه تذكير نافع عظيم وتبصير للأمة بنعم الله الغزار الذي لا يستطيع أحد من مخلوقات الله أن يقدم فيها أو يؤخر. Donc le Cheikh il mentionne les versets dans Surat Al-Qasas, les versets 71 et 72, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, dit, que diriez-vous si Allah vous assignait la nuit en permanence, jusqu'au jour de la résurrection? Man ilahun ghayrullah, quelle divinité autre que Allah pourrait vous apporter la lumière? N'entendez-vous donc pas? Dis, ô Muhammad, aux gens, aux mushrikin, à toute personne, dis-leur, que diriez-vous si Allah vous assignait le jour en permanence, jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre que Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous vous reposeriez? N'observez-vous donc pas? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne ça dans le Coran. C'est pour nous faire réfléchir. C'est pour nous faire réfléchir et méditer. Et il y a un rappel bénéfique, un grand bienfait pour nous là-dedans. Pour nous faire réfléchir et pour nous rappeler des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et qu'il n'y a personne d'entre les créatures d'Allah qui est capable de devancer ces choses-là en quoi que ce soit, ou de les retarder, ou de les reculer en quoi que ce soit. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les contrôle et qui les gère. Le Cheikh dit ensuite, وَهَكَذَا الْقَمَرْ وَمَا فِيهِ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَنَافِعِ إِضَاءَةً لأن الإضاءات الصناعية كثيرا ما يطرأ عليها العطب ولا يمكن أن يتمتع بها جميع الخلائق فالناس لهم أحوال مختلفة هذا يسافر في الفلوات وهذا يجد سراجا صناعيا ينير له في ظلمات الليل فالله خلق عز وجل القمر فجعله مضيئا في السماوات لأهل الأرض وامتن الله عز وجل بإضاءته حيث قال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Donc le Cheikh il dit la même chose pour la lune. Dans la lune il y a aussi beaucoup de bienfaits et des choses très bénéfiques pour l'être humain et pour les créatures, parce que les lumières artisanales ou les lumières qu'on a inventées, fabriquées nous autres mêmes les êtres humains, eh bien souvent elles peuvent tomber en panne ou des choses de ce genre. Et vous savez comme qu'est-ce qui arrive quand il y a des pannes d'électricité, ou des choses comme ça, on reste sans lumière. Donc toutes les créatures ne peuvent pas tous profiter de cette électricité ou de ces éclairages artificiels. Mais les hommes, ils ont des états différents. Certains ils voyagent dans les endroits éloignés de la ville. Peut-être qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité dans ces endroits-là. Ils ont besoin de choses artificielles pour s'éclairer, des lumières dans les ténèbres de la nuit. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour ça, il a créé la lune pour éclairer les cieux et éclairer les gens de la terre. Et il leur a donné donc cette grâce et cette faveur pour les éclairer, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 16 dans sourate Nuh, وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de la lune une lumière. وَجَعَلَ الشَّمْسَ فِيهَا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Il a fait du soleil comme une lanterne qui éclaire. وَمَهْمَا فَهُمَا من الآيات العظام التي لو تأملها العقلاء من الناس لاستدلوا بها على قدرة الله وبديع صنيعه، ومن ثم على استحقاقه لأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. Donc tout ça c'est des grands signes d'Allah, et si on réfléchit, et si les gens intelligents réfléchissent à ces signes-là, eh bien ils auraient tout de suite compris qu'il y a une preuve dans ça de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de la façon excellente avec laquelle il crée, et parfaite avec laquelle il crée sa création, et comment il a bien créé les choses en perfection. Puis sur le fait qu'il mérite d'être obéi et de ne pas être désobéi, et qu'il mérite qu'on se rappelle de lui et qu'on ne l'oublie pas, et qu'il mérite qu'on soit reconnaissant envers lui et non pas ingrat. Ensuite, le Cheikh il dit: وذكر المؤلف رحمه الله من المخلوقات العظام الدل على قدرة الله والمستحق للعبادة وحده دون سواه السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهما من المخلوقات العظام كالسحاب والأمطار وما في السماوات من الملائكة الكرام والأنبياء العظام وأرواح المؤمنين وما فيها من الأوامر والدليل على ذلك. Donc, le Cheikh, il dit que l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne que parmi les grandes créations d'Allah, donc ces créations-là font partie des grandes créations d'Allah qui prouvent la puissance d'Allah et qui prouvent que lui seul mérite d'être adoré. Les sept cieux, les sept terres, ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a entre les deux, ce sont des grandes créations. Les nuages, la pluie, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Les anges, les prophètes, les grands prophètes et les âmes des croyants. Et qu'est-ce qu'il y a dedans également comme ordre, et ainsi de suite. La preuve de cela, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit: والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. C'est le verset 40 dans sourate Shura. Fussilat, pardon. Sourate Fussilat. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni au soleil, ni à la lune, mais prosternez-vous uniquement devant Allah, celui qui les a créés, si réellement c'est lui que vous adorez. Donc, le Cheikh Zayd, il explique ça. Il dit: لما ذكر أن هذه المخلوقات لما ذكر بأن هذه المخلوقات وإن كانت عظاما في خلقها إلا أنها لا تستحق من العبادة شيء مهما عظمت المخلوقات وكثر نفعها، فإنها لا تستحق أن يصرف لها شيء من العبادة ولا أن يضاف إليها شيء من النعم، وإنما تجب العبادة للذي خلق هذه المخلوقات وصرفها إلى غيره ووضع وصرفها إلى غيره وضع للشيء في غير موضعه، وهو إشراك بالله الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق. للشيخ كيزيمتنا. Il dit que les créatures qu'on a mentionnées, même si ce sont des grandes créatures, des choses immenses, eh bien, elles ne méritent pas d'être adorées en quoi que ce soit. Peu importe la grandeur de ces créatures, et peu importe la quantité de ces créatures, elles ne méritent rien qu'on leur donne comme adoration. Elles ne méritent pas qu'on leur offre une forme quelconque d'adoration parmi les différentes formes d'adoration, et on ne doit pas non plus leur attribuer quoi que ce soit des grâces. On ne doit pas dire par exemple: ah, si on a eu telle chose, c'est grâce, par la grâce du soleil ou par la grâce de la lune ou par la grâce des étoiles, comme les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam, ils disaient Mutirna bi naw'i kaza wa kaza. Ils disent on a eu la pluie à cause de telle ou de telle étoile, de telle ou de telle constellation, des choses comme ça. Ça, c'était les croyances de la Jahiliya, que la pluie, que les étoiles influençaient la pluie, et que c'était elle qui avait un contrôle sur la tombée de la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui parmi vous qui s'était levé et qui a dit on a eu la pluie par les étoiles, il a rejeté la foi en Allah. Et celui qui a dit qu'on a eu la pluie par la grâce d'Allah, alors celui-là c'est un croyant. Celui-là c'est un muwahid, il a établi le tawhid. Tandis que celui qui attribue la pluie aux étoiles, eh bien, il a commis le shirk. Et donc, c'est pour ça que c'est très dangereux. Et donc, il ne faut pas attribuer ces grâces-là à Allah. Il ne faut pas attribuer ces grâces-là aux créatures, mais attribuer ces grâces-là uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama tajibu al-ibada lilladhi khalaqa hadhihi al-makhluqat. L'adoration est uniquement obligatoire pour celui qui a créé ces créations-là et ces créatures-là, et non pas pour ces créatures-là elles-mêmes. Et le fait de détourner l'adoration d'Allah pour l'offrir à des créatures, et le cheikh dit, c'est dans ça, ça signifie que tu mets quelque chose autre qu'à sa place. Tu mets quelque chose à un endroit qui n'est pas sa place. Et c'est de commettre le shirk avec Allah. C'est de commettre le shirk avec Allah, et ça c'est le plus grand de tous les péchés de façon absolue. Il n'y a pas un péché qui est plus grand que le shirk parmi tous les péchés qui existent. ولما كان معظم الخلائق يعبدون معبودات مختلفة ومن جملة المعبودات التي تعبد الشمس والقمر يعني أن قوما يعبدون الكواكب ومن جملة ذلك القمر ومن جملة ذلك الشمس فنهى الله عز وجل عن عبادة هذه المخلوقات وغيرها من باب أولى. Donc le cheikh il dit, étant donné que les gens adorent toutes sortes de différentes choses en dehors d'Allah, différentes créatures, la plupart des hommes sur la terre ils adorent toutes sortes de choses en dehors d'Allah. Et parmi ces différentes choses qu'ils adorent, il y a le soleil et la lune. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent les étoiles, les astres, le soleil et la lune. Et parmi celles-ci, le soleil et la lune, comme il dit, eh bien Allah a interdit leur adoration. Donc si ça c'est les plus grandes créatures, les plus grandes choses qu'on voit dans notre monde, autour de nous, les plus grandes d'entre elles, c'est le soleil et la lune, et Allah nous interdit de les adorer, donc ça implique que tout ce qui est plus petit mérite encore moins d'être adoré aussi. Parce que si tu ne peux pas adorer les plus grandes, eh bien, adorer les plus petites, c'est encore moins acceptable. Et il y a l'exemple d'Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il parle avec son peuple, il donne à son peuple des arguments pour leur montrer la futilité d'adorer autre que Allah et la fausseté de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Donc il leur dit, quand il a vu le soleil, il a dit ça c'est mon Dieu. Puis après, quand il a vu le soleil se coucher, il a dit c'est pas mon Dieu parce qu'il se couche. Ce qui se couche, ou ce qui disparaît, ça peut pas être mon Dieu. Et quand avant il a vu la lune, il a dit la même chose à propos de la lune. Après, il a dit, ah ça c'est le soleil. Il a dit, le soleil c'est plus grand que la lune, donc ça c'est mon Dieu maintenant. Puis quand il a vu le soleil se coucher aussi, il a dit la même chose. Il a dit, si mon Dieu me guide pas, je vais être parmi les égarés. Et il n'a pas dit ça dans le sens que lui, il croyait vraiment que le soleil et la lune étaient son Dieu. Parce que Ibrahim, alayhi salam, c'est un prophète d'Allah. Il a dit ça uniquement pour débattre avec eux, pour argumenter avec eux, pour leur établir la preuve contre eux. La même manière que lorsqu'il a cassé les idoles. Il a cassé les idoles et il a laissé la plus grande. Pourquoi il a laissé la plus grande? Pour donner un argument, pour établir un argument contre son peuple. Hein? Parce qu'il leur a dit, demandez à la plus grande pour savoir si, qui est-ce qui l'a détruite, qui est-ce qui les a détruites. Demandez à la plus grande. Hein? C'est elle qui les a cassées. Alors qu'il sait très bien qu'elle ne peut pas bouger. Mais il a fait ça pour leur montrer que qu'est-ce qu'ils pratiquent comme shirk, c'est faux. Donc, Ibrahim, alayhissalam, quand il mentionne le soleil et la lune et des choses comme ça, il dit, ça c'est mon Dieu, ça c'est plus grand. Hein? Eh bien, ça, c'est pas parce qu'il croit au soleil ou à la lune, mais parce qu'il veut argumenter avec son peuple et leur montrer la vérité du tawhid. Naam. Naam, naam, Ibrahim. Ouais, ouais, mais c'est pas, il a pas dit ça c'est mon Dieu, le soleil ou la lune, dans le sens qu'il voulait dire que moi je crois que le soleil c'est Dieu ou que la lune c'est Dieu. Il dit ça pour argumenter à son peuple, avec son peuple, et pour leur montrer la vérité du tawhid. C'est comme pour un argument. C'est comme un argument pour leur montrer, regarde, si c'est ça ton Dieu, si c'est ça votre Dieu, eh bien regarde, il se couche, il peut pas être Dieu. Et la lune, ça ne peut pas être Dieu, puisque elle aussi, elle disparaît. Hein? Donc ça, c'est des exemples qu'il a donnés pour leur faire comprendre qu'ils doivent adorer seulement Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Mais il y a des gens d'égarement parmi les gens qui suivent les idées des philosophes, hein, de ces gens-là. Ils essaient d'utiliser l'exemple de Ibrahim alayhi salam pour essayer de dire que c'est un exemple pour prouver que on doit passer par la logique pour affirmer l'existence d'Allah et qu'il faut passer par les moyens de la philosophie pour y arriver et ainsi de suite, alors que c'est pas le cas. Yani Ibrahim alayhi salam, c'est un des prophètes d'Allah, le père des prophètes, et il était convaincu de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'était juste pour, comme on a dit, pour argumenter. Et si vous voulez voir ça, retournez au tafsir de Ibn Kathir, au tafsir des autres ulama et des salafs, qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet-là. Et vous allez voir à ce sujet-là, yani, que l'interprétation des gens de Kalam au sujet de cet événement-là ou de cette histoire avec Ibrahim, alayhissalam, elle n'a rien à voir avec ce qu'ils prétendent. Naam. Ensuite, naam. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, وَلَمَّا كَانَ مُعْظَمُ الْخَلَاقِ عَبُدُونَ Ça, on l'a lu. Après, il dit, وَأَمَرَ أَنْ يُعْبَدْ وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ وَأَمَرَ أَنْ يُعْبَدْ وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ لِأَنَّهُ الْخَالِقُ لَهُنَّ وَهُوَ الْمُنْشِئُ لَهُنَّ مِنَ الْعَدَمِ الَّذِي خَلَقَ الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمور وهو الذي يستحق أن يعبد وغيره لا يستحق من العبادة شيئا فمن كان مؤمنا حقا فعليه أن يفرد ربه بالعبادة ولا يفرده بها إلا المؤمنون. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'il soit adoré lui seul, en dehors de toute autre chose. Parce que c'est lui leur créateur. Et c'est lui qui les a créés à partir du néant, à partir de rien. Hein? C'est pas comme les koufars, ils disent par exemple que la matière, elle est éternelle, elle fait juste se transformer éternellement de l'énergie à la matière, de la matière à l'énergie, et ainsi de suite. Et qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, rien ne se perd, rien ne se crée. Hein? Non, Lavoisier, puis la voie de la relativité de Einstein et ainsi de suite. Tout ça, c'est des théories qui sont basées sur des croyances de païens. Du fait de dire que il n'y a pas de début à l'univers, il n'y a pas de fin à l'univers. Que l'univers est éternel. Et en fait, il donne à l'univers des qualités divines. Hein? Et comme si elle avait une volonté de se transformer par elle-même et de faire apparaître des créations ordonnées qui sortent par hasard comme ça. Hein? Et ça c'est ça leur croyance, mais tout à fait, c'est tout à fait absurde et faux. Donc Allah, il a tout créé à partir de rien. Hein? Et c'est lui qui peut tout détruire aussi. Hein? Qui peut tout détruire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Hein? Et c'est lui qui donne la subsistance et qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle tout dans l'univers. Et c'est lui le seul qui mérite d'être adoré. Et il n'y a personne d'autre que lui qui mérite quoi que ce soit de l'adoration. Donc, celui qui est réellement croyant, alors qu'il... Wa alaykum salam wa rahmatullah. Celui qui est réellement croyant... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Celui qui est réellement croyant, alors qu'il offre uniquement à Allah son adoration, de façon exclusive. Et qu'il... Et seuls les croyants adorent Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Naam. Et il y a un point que je voulais mentionner aussi par rapport à ces choses, à quelque chose qui a rapport à ça, mais j'ai oublié, donc peut-être que ça va me revenir après, inshallah. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre verset et il l'explique en 5 points. Et c'est très intéressant. C'est le verset 54 dans surat Al-A'raf. Al-A'raf, il dit. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ensuite, wa qawluhu ta'ala, il mentionne une autre preuve, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Rabb, et que c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre, et ainsi de suite, et que ça fait partie de ses signes. Il mentionne le verset 54 dans surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Donc c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, votre Seigneur est certes Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis qui s'est élevé au-dessus de son trône. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Il couvre la nuit par le jour. Oui, il couvre la nuit par le jour et il le poursuit rapidement. C'est-à-dire le jour est couvert par la nuit de façon rapide. Hein? Et la nuit, le soleil et la lune, ainsi que les étoiles, sont assujettis à son ordre, sont assujettis à son commandement. La ala lahul khalq wal amr, n'est-ce pas à lui la création et l'ordre? Tabarakallahu rabbul alamin, que soit béni Allah, le Seigneur des mondes. Le cheikh, il dit que dans ce verset-là, il y a plusieurs points bénéfiques à prendre en considération. Le premier point bénéfique, hein, puis là il y en a, en tout il y en a 5 points. Donc on va essayer de prendre les 5 points, Inch'Allah. Il reste un peu de temps, donc on va essayer de faire les 5 points. Le premier point. أن الرب الذي يستحق أن يعبد هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض في ستة أيام وهذه الستة الأيام بينها الله عز وجل في سورة فصلت حيث قال سبحانه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. C'est les versets 9 à 12 dans sourate Fussilat. Donc on va lire qu'est-ce que signifient ces versets dans sourate Fussilat. De 9 à 12. Donc, le cheikh il dit, premier point qu'on peut tirer de ce verset, le verset 54 dans Sourate Al-A'raf, c'est que Allah, c'est Ar-Rabb, le maître, le tout-puissant, le créateur, le Seigneur, c'est lui qui mérite uniquement l'adoration. C'est le Rabb qui mérite uniquement l'adoration. Celui qui a créé les cieux et qui a créé la terre en six jours. Et ces six jours de la création ont été expliqués par Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Fussilat. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué dans Surat Fussilat comment il a créé en six jours les cieux et la terre. Et il mentionne donc les versets de 9 à 12. Dans les versets qui signifient « Dis au Muhammad, aux gens, aux mouchriquins, à tout le monde, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours et lui donnerez-vous des égaux, et lui donnerez-vous des égaux dans l'adoration. Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé les montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé aux cieux, qui étaient alors en fumée, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré mal gré. Tous deux dirent, nous venons obéissants. Et il décréta d'en faire sept cieux, en deux jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, c'est-à-dire les étoiles, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Donc le ciel qu'on voit avec les étoiles, ça c'est le plus proche des cieux. Le ciel qu'on voit la nuit avec les étoiles, ça c'est le premier ciel. Sama dunya. Ouais, ouais. Ils arrivent. Ils sortent même pas du premier. Donc ils savent même pas où est-ce que termine le premier ciel. C'est ça que ça veut dire. Hein? Ils pensent que c'est l'univers alors que c'est le premier ciel seulement. Il y en a sept autres encore en arrière. Non, c'est pas ces cieux-là. Toi, tu parles de la stratosphère, je sais pas comment ils les appellent, mésosphère. Non, non. Ça, c'est dans ce, ça là, c'est à l'intérieur de l'atmosphère de la Terre. Là, elles sont sept. Bon, eh ben ça c'est, mais ça c'est le jour qu'on les, c'est à l'intérieur de qu'est-ce qu'on voit le jour quand le ciel est bleu. Hein? On voit les nuages et tout, ça c'est le ciel le jour. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du ciel qui a été embelli par les étoiles. Et ça, on le voit que la nuit. Et ça, c'est, ça, ça s'arrête pas juste à l'atmosphère, là, les atmosphères qu'on, les différentes couches d'atmosphère qu'on voit. Ça, c'est en fait tout le ciel qu'on voit la nuit dehors, là. Mais même si c'est différentes couches, là, que tu dis, là, de l'atmosphère, la stratosphère, sont au nombre de sept, ça ne correspond pas à ces sept cieux dont Allah parle dans le Coran. Eh non. Non, barakallahu fik. Non. Entre chaque. Oui, c'est ça. Il a dit il y a comme 500 ans. De marche. Eh non. Eh, barakallahu fik. De marche. Mais il y a beaucoup de hadiths sur des sujets comme ça. Mais on peut même pas imaginer vraiment. Parce que c'est des choses qui, ça c'est des choses que nous, les êtres humains, imagine-toi si tu vas marcher sans arrêt pendant 500 ans. Hein? Ouais. Sans dormir, sans manger, sans rien faire d'autre. Juste marcher. Hein? Où est-ce que tu vas arriver? Eh bien, c'est juste en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 500 ans de marche, mais c'est pour nous donner une idée que ça veut dire très long. Donc, qu'est-ce qui est important ici, yani, c'est de comprendre donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit comment il a créé les cieux et la terre, et de cette façon dans les versets. Et il dit donc, tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? فأوضح الله تفصيل هذه الأيام الستة وأن أربعة أيام منها لخلق الأرض. خلقها في يومين بدون دحو ثم خلق بعد هذين اليومين السماوات وقدر في كل سماء أمرها ثم دح الأرض بعد ذلك في يومين فصارت جملة الأيام ما ذكره الله هنا في ستة أيام ثم استوى على العرش فخلق الأرض بدون دحو متقدم على خلق السماوات ويليه خلق السماوات خلقا كاملا ويلي ذلك دحو الأرض في يومين والمراد بدحو الأرض كما قال الله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم سورة النازعات. Donc, donc le Cheikh il explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué les détails de la création en 6 jours, que 4 jours étaient pour la terre. Il a pris 4 jours pour la création de la terre et 2 jours pour les cieux. Mais il a séparé les 4 jours pour la terre, il les a séparés. Donc il dit que il a créé donc la terre en deux. Premièrement, les deux premiers jours, il a créé la terre, mais sans l'étendre. Il a créé la terre sans l'étendre. Et dans les deux autres jours suivants, il a créé les cieux. Et il a donné à chaque cieux son ordre. Il a créé les cieux et a donné à chaque cieux son ordre. Puis, ensuite, il a étendu la terre dans les deux autres jours qui restent. Donc, le total des jours, c'est de 6 jours. Puis ensuite, il s'est élevé sur le trône. Et il a créé la terre avant la création des cieux. Il a créé la terre sans l'étendre. Puis, par la suite, il a créé les cieux de façon parfaite et complète. Et ensuite, il a étendu la terre, comme il le mentionne dans Surat Al-Nazi'at, le verset 30 à 33. C'est ça ce que je lisais tout à l'heure. Et c'est ça. Donc c'est ça la signification de Dahwa al-Ard. Il dit, quant à la terre, après cela, il l'a étendue, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage, et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Donc, ça c'est le point qui est le premier point qui est tiré dans ce verset-là. Le deuxième point, al-fa'idatu thaniya, al-hikmatu fi khalqi as-samawati wal-ard fi sittati ayyam, ma'a anna Allah subhanahu wa ta'ala wasafa nafsahu bi annahu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Qala ulama at-tafsir li yu'allim 'ibadahu al-ana والتدرج في الأمور وليس بالله عز وجل عجز سبحانه حتى يحتاج إلى مدة طويلة كهذه بل له الكمال المطلق والقدرة التامة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Donc le point numéro 2 parmi les points bénéfiques qu'on peut tirer de cette sourate ou de cette ayah plutôt, c'est que il y a la sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre, les cieux et la terre en 6 jours. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de la créer en disant uniquement soit. S'il veut, il peut la créer en disant uniquement soit et elle existe. Donc le Cheikh justement il répond à la question pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait en 6 jours. Il dit que les savants de tafsir ont mentionné que c'était pour que les êtres humains apprennent à prendre les choses de façon graduelle, hein, pour que les êtres humains apprennent à prendre les choses de façon posée et à prendre les choses de façon graduelle, à tadarruj, faire les choses graduellement, hein, pour qu'ils apprennent à faire les choses graduellement. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas incapable de faire les choses, s'il voulait, il aurait pu les créer, hein, directement, d'un seul coup, sans attendre une longue durée, hein, ou cette longue durée. Mais il a voulu que ce soit ainsi, et c'est par sa sagesse. Et il mentionne le verset 82 dans Sourate Yassine, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et son ordre est uniquement lorsqu'il veut quelque chose de lui dire soit et elle est. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Ensuite, le cheikh, il mentionne le point numéro 3. الفائدة الثالثة الإيمان بالاستواء على العرش وإثبات هذه الصفة على طريقة أهل السنة والجماعة. خلق الله العرش فهو من جملة مخلوقاته بل هو سقف مخلوقاته واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc le cheikh il explique que le point numéro 3 c'est le fait de croire en al-istiwa ala al-arsh, le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus du trône. Ça fait partie des attributs qu'il est obligatoire d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'affirmer à la manière des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. De l'affirmer à la manière des gens de la Sunnah et de la Jama'ah. C'est-à-dire que le trône, c'est une créature d'Allah. Qu'elle fait partie de ses créatures. C'est la plus grande de toutes les créatures d'Allah, le trône. Et c'est même le toit des créations. C'est-à-dire qu'elle forme comme un toit, hein, et toutes les autres créatures sont en dessous. Hein. Et le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de ce trône d'une manière qui correspond et qui convient à sa grandeur et à sa majesté. C'est-à-dire que c'est une façon dont il s'est élevé au-dessus de son trône qui correspond à sa perfection, à sa grandeur, à sa majesté. Il n'y a aucune imperfection qui peut être impliquée par le fait qu'il s'élève sur ce trône. Il n'y a pas de ressemblance à faire entre la façon dont Allah s'élève sur son trône et la façon dont les créatures s'élèvent sur quelque chose. On ne compare pas entre les deux, on ne fait pas de ressemblance entre les deux, on ne nie pas l'attribut et on ne déforme pas le sens non plus du terme istawa pour essayer de dire que ça veut dire autre chose. Comme par exemple les gens de Bid'a, comme les Jahmiya et les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiya et la secte des Ahbash. Ils nient cet attribut-là. Ils disent non, Allah n'est pas au-dessus de son trône, Allah n'est pas au-dessus de sa création. Soit qu'ils disent que Allah est partout, hein, ou soit qu'ils disent qu'il est nulle part. Et les deux équivalent à la même chose en fait, la négation de l'existence distincte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a les panthéistes ou les gens qui croient en Al-Hulul, qui pensent que Allah est dans toutes choses et partout. Et ils vont se baser parfois sur des versets comme wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid, ou bien wa huwa ma'akum aynama kuntum, hein, des versets qui disent par exemple qu'il est plus près de vous que sa veine jugulaire, hein, il est plus près de lui que sa veine jugulaire. Donc ils se basent là-dessus pour dire que Allah est en sa création. Ou bien il se base sur des versets qui disent et il est avec vous où que vous êtes, où que vous êtes. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Sauf que les ulama des salafs ont expliqué que il est avec nous dans ce sens qu'il est omniscient et qu'il voit tout et qu'il entend tout et qu'il sait tout. Il est avec nous par sa connaissance, pas par son être, dans le sens qu'il est mélangé avec l'être humain ou avec la création. D'accord? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement qu'il est au-dessus de son trône. Et de son, du dessus, de, du, d'au-delà du trône, ou d'au-dessus du trône, il voit tout, il entend tout, et il sait tout. Et il a le pouvoir sur tout. Hein? Et il entend même le bruit que fait la fourmi à l'intérieur de la terre, ou lorsqu'elle est sur une pierre noire, dans une nuit noire. Hein? Il l'entend et il sait si elle va à gauche ou à droite. Alors que nous, on ne sait même pas si elle est là ou non. Hein? Donc, on ne peut pas comparer Allah à sa création. Et on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il est au-dessus de sa création, il ne se mélange pas. Et on ne dit pas qu'il est partout, comme les gens de Hulul ou de Wahdatul Wujud, comme les Soufis. Les Soufis, ils pensent que Dieu est en toutes choses, et en certaines personnes, ou en certaines créatures, ou en certains êtres humains, ou en certaines choses, comme les hindous aussi. Ils pensent que Dieu, c'est la création et la création, c'est Dieu. Et ils disent même que tu ne dois pas faire de distinction entre le créateur et la créature, que tu dois les considérer les deux comme étant une seule et même chose. Et ça, c'est du shirk, c'est du kufr. Et la même chose pour ceux qui font le ta'til, qui font l'autre, l'opposé de celle-là. Au lieu de dire qu'il est partout, ils disent qu'il est nulle part. Hein? Ils disent qu'il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'intérieur de la création, il n'est pas à l'extérieur de la création, il n'est pas en haut de la création, il n'est pas en bas de la création, il n'est pas devant la création, il n'est pas derrière la création, il n'est pas à côté, hein, à gauche ou à droite de la création. Il est où? Il est nulle part. Hein? Et eux, ils l'expliquent, ils l'expriment en disant que Allah n'a pas d'endroit ou n'a pas de lieu. Et nous, on dit, on parle d'Allah tel que Allah s'est décrit lui-même. On n'amène pas des termes qu'on invente et puis qu'on attribue à Allah pour lui nier ou pour lui affirmer. Parce que si c'est comme ça, on va commencer à parler d'Allah sans respect. Et on va commencer aussi à parler d'Allah sans connaissance. Et on va lui affirmer des choses et on va lui nier des choses qu'il n'a jamais mentionnées. Et on risque de tomber dans l'erreur et dans même dans la mécréance à cause de ça. Hein? Parce qu'on parle sans connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. C'est-à-dire, ne parle pas de ce que tu n'as pas de connaissance, de ce dont tu ne connais pas. Hein? Donc, on n'a pas le droit de parler d'Allah sans ilm. On n'a pas le droit de parler d'Allah sans connaissance. Et ça, c'est très important. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les hadiths authentiques, qu'il est au-dessus de sa création. Donc on n'a pas le droit de nier ce qu'il a affirmé. Si on nie ce qu'il a affirmé, on tombe dans at-ta'til. On tombe dans at-ta'til. Et at-ta'wil, la déformation, comme les Asha'ira, ils disent, par exemple, que, comme par exemple, ils savent qu'ils ne peuvent pas nier le verset. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nier le verset, parce que le verset, il est dans le Coran, il est clair. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de jouer avec la signification du mot, pour essayer de détourner son sens, pour sortir de l'affirmation de qu'est-ce qui est écrit. Donc, au lieu de dire « Istawa », ça veut dire que Allah est élevé au-dessus de son trône, ils vont dire « Istawa », ça veut dire « conquérir le trône » ou « prendre le pouvoir du trône ». Et ça, c'est complètement faux et complètement contradictoire et même pire hein, que ce qu'ils essaient de nier. Parce qu'ils disent, nous on ne veut pas affirmer que Allah est au-dessus de son trône parce qu'on a peur de faire des ressemblances entre Allah et sa création. Hein? Comme si on ne veut pas comparer Allah subhanahu wa ta'ala à un roi assis sur une chaise ou sur un trône. Hein? Parce qu'eux ils imaginent ça dans leur tête. Donc nous on leur dit arrêtez d'imaginer des choses dans votre tête. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il s'est élevé au-dessus de son trône d'une manière qui lui convient. Essaie pas d'imaginer quoi que ce soit dans ton esprit de ces choses-là et affirme l'attribut tel quel. Maintenant tu dis que istawa ça veut pas dire s'élever mais que ça veut dire conquérir ou de prendre le pouvoir du trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah il dit, puis ensuite il s'est élevé sur le trône. Ça veut dire qu'avant ça, il y avait quelqu'un dessus, un autre dieu, ou un autre roi, ou quelqu'un d'autre, et que lui, Allah, il est venu, il l'a enlevé, puis il a pris sa place. Yani ça c'est encore, yani c'est pire que ce que vous, vous voulez enlever à Allah une imperfection, ou vous craignez d'affirmer à Allah une ressemblance avec sa création, et là vous êtes en train de faire quelque chose de pire. Vous êtes en train de, d'attribuer à Allah un égal ou un rival. Et Allah il n'a ni égal ni rival. Il n'y a personne qui est égal à lui, ou que ce soit avec ou contre lui. Il n'a même pas d'opposant ni de rival. Il est l'unique, le tout-puissant, celui qui a le pouvoir sur toute chose. Ils vont être, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il y aura 7 catégories de personnes qui vont être sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y a pas d'autre, où il n'y aura pas d'ombre que son ombre. Et il a mentionné que le soleil va être rapproché de leur tête, hein, d'une distance très très courte, et que les gens vont commencer à transpirer, et que certains vont avoir la transpiration jusqu'à leurs genoux, d'autres jusqu'à leur taille, d'autres jusqu'à leurs épaules, d'autres même vont se noyer dans leur transpiration. Et parmi ces gens-là, il y aura ces 7 catégories de personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées, qui eux seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux qui ne vont pas souffrir de la chaleur ce jour-là. Et ce sont ces catégories-là qui sont mentionnées. C'est ceux qui sont sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'ombre de son trône. Mais pour savoir ou imaginer comment ça va être graphiquement, ou comment ça va se placer, ces choses-là, ça, on n'a pas même pas le droit de rentrer dans ce genre d'imagination-là ou de questionnement-là. Il faut juste accepter les choses telles qu'elles et yani y croire, puisque ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la vérité, c'est des hadiths authentiques. Et le reste, les détails, comment ça va être positionné, tout ça, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Et au jour de la résurrection, on va le voir. Hein? On va le voir de toute façon. Donc ça c'est à propos de qu'est-ce qu'on dit à ce sujet-là. Et yani, les salafs, ils ont établi un principe, et ça c'est la parole de l'imam Malik et d'autres parmi les salafs aussi, qu'ils ont dit al-istiwa'u ma'lum wal-kayfu majhoul wal-imanu bihi wajib wal-su'alu anhu bid'ah. C'est-à-dire que l'istiwa c'est connu dans la langue arabe, on sait ce que ça signifie, ça veut dire s'élever, hein, et monter au-dessus, hein. Deuxièmement, al-kayfu majhoul, le comment on le sait pas. Donc la question que tu as posée, ça rentre dans le commun. Ça, on ne le sait pas. On sait uniquement ce que Allah nous a dit. Et on doit s'arrêter là. Et on ne doit rien rajouter, rien enlever. Et pas commencer à imaginer des choses dans notre esprit. Parce que ceux qui tombent dans l'erreur d'imaginer, tombent dans, par la suite, la négation des attributs. Et c'est ça ce qui est arrivé aux Asha'ira. Ils imaginent Allah dans leur esprit, comme quand Allah dit qu'il a une main, ou qu'il a deux mains, qu'il a créé Adam avec sa main, ou quand il dit que ses deux mains sont grandes ouvertes, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, et ainsi de suite. Eh bien, eux, ils imaginent une main, comme les êtres humains, à Allah, dans leur esprit. Et après, étant donné qu'ils imaginent ça, ils vont vers la négation. Et pour couvrir la négation, il déforme la signification du mot pour lui donner une autre signification. Donc ils disent, la main ça ne veut pas dire une main, ça veut dire la force. Hein? Ou ça veut dire yani, la grâce. Donc ça c'est complètement ridicule. Yani, est-ce qu'Allah a deux grâces? Ou les deux forces? Hein? C'est ça. Ça c'est la première, on a dit que c'était ma'loum, la signification elle est connue. Deuxièmement, al-kayf majhoul, le kayf, le comment on le connaît pas. Troisièmement, al-imanu bihi wajib, c'est obligatoire d'y croire. Si tu y crois pas, t'es pas musulman. Si tu crois pas en cet attribut là et en toutes les autres attributs d'Allah, tu n'es pas croyant. Et de poser ce genre de questions au sujet du commun des attributs d'Allah, ça c'est une innovation, c'est une bid'ah, Hein? Ça c'est la voix d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, la voix des Salaf al-Salih, à propos de la foi en les noms et les attributs. Et tout ça, ils reviennent au verset 11 dans Surah Shura pour le comprendre. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ». Ça c'est le verset clé. « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ». Il n'y a rien comme lui. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est l'audient et le voyant. Il voit et il entend. Et Allah, il est le vivant. Hein? « Al-hay » ou « al-hay ». Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vivant. Est-ce que les animaux sont vivants? Oui. Est-ce que les êtres humains sont vivants? Oui. Même les plantes, elles sont vivantes. Mais est-ce que tu vas dire, parce que les plantes et les animaux et les êtres humains sont vivants, est-ce que ça veut dire qu'on est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala qui est le vivant? Non. Parce que nous, notre vie, elle a un début, elle a une fin. Et c'est Allah qui l'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-awwal wa l'akhir. Il est le premier et le dernier. Avant lui, il n'y a personne. Après lui, il n'y a personne. Donc ça veut dire qu'il est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et donc, il est le seul à être comme ça. Et les créatures ne sont pas comparables à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la vie d'Allah n'est pas comparable à la vie des créatures. Hein? Sa vie, elle est parfaite. La nôtre, elle est limitée. Ça, c'est par rapport à la vie. Mais la même chose, on peut dire la même chose pour la vue. On peut dire la même chose pour l'ouïe. On peut dire la même chose pour le fait qu'il s'est élevé sur son trône. On peut dire la même chose pour la parole. On peut dire la même chose pour le fait qu'il descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, hein, pour demander aux serviteurs de demander pardon. Ça, c'est des règles que les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont établies pour croire en Allah comme il faut, sans tomber dans les formes de mécréance et de shirk que les gens ont commis. Et donc, il faut affirmer les attributs tels quels. Le Cheikh il dit « وَهِيَ مِنَ الصِّفَاتَ الَّتِي عَطَّلَهَا الْمُعَطِّلَةَ الْجَهْمِيَّةَ وَنَفَتْهَا الْمُعْتَزِلَةَ وَأَوَّلَتْهَا الْأَشَاعِرَ وَالْكُلَّابِيَّةَ وَالْمَاتُرِدِيَّةَ وَمَنْ وَالَا هَؤُلَا مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ الْمُسْلِمِ » Donc, le Cheikh il dit que c'est la façon dont on doit affirmer les attributs, c'est de cette façon-là, et contrairement à ceux qui les ont niés, parmi les différentes sectes comme les Jahmiyyah, ils ont nié tout, les noms et les attributs d'Allah. Les Mu'tazila, ils ont affirmé les noms, mais ils ont nié les attributs. Et les Asha'ira, eux, ils ont affirmé sept attributs seulement. Et les autres, ils les ont toutes niés. Hein? Contrairement aux gens de la Sunna. Les gens de la Sunna, eux, ils affirment tous les noms, toutes les attributs, sans exception. Il ne nie rien de ce qui est révélé à propos d'Allah dans le Coran et dans la Sunna. Ils affirment tout de la manière dont on a mentionné, sans faire de ressemblance entre Allah et sa création, sans faire de négation, sans faire de déformation des sens, sans faire de ressemblance, et ainsi de suite. Sans demander le comment, tout ça c'est les principes à suivre pour croire correctement en Allah et en ses noms et en ses attributs. Donc les gens de Ibn Kulab, les Maturidiyya et les Asha'ira, tout ça c'est des sectes d'égarement. Et qu'est-ce qui est étonnant avec ces sectes-là qui sont apparues des siècles après, hein, 300 ans environ, même 400 après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont apparus bien longtemps après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et malgré tout ils prétendent être Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et ils se disent, eux, être Ahlus Sunnah al-Jama'a, alors qu'ils n'ont rien à voir avec Ahlus Sunnah al-Jama'a. C'est pas seulement des erreurs qu'ils ont à propos des noms et des attributs. Dans plein d'autres chapitres de la foi et de la croyance, ils ont des graves erreurs, des gros problèmes dans la croyance et dans la compréhension. Dans la foi, ce sont des murji'a. Hein? Dans la croyance, dans la façon de comprendre qu'est-ce que c'est la foi. Eux, ils excluent les actions de la foi. Hein? Ça c'est un exemple. Et dans d'autres domaines aussi, ils ont des problèmes. Et souvent, tu vas voir des gens qui ont des problèmes même dans le tawhid. Pourquoi? Parce que justement, pour eux, il n'y a qu'une seule forme de tawhid qui existe, c'est tawhid al-rububiyya. Pour eux, le but du tawhid, c'est d'affirmer l'existence de Dieu. hein, d'affirmer qu'il y a un Dieu qui a tout créé. Puis par la suite, du moment que tu as affirmé ça, même si tu associes d'autres avec Allah dans l'adoration, c'est pas grave. Parce que tu affirmes qu'il y a un seul Dieu. Ils pensent que c'est pas, que ça ne dérange pas. Donc si tu pries des morts, si tu pries des saints, tu pries des tombes, hein, tu leur donnes en sacrifice des offrandes et des choses de ce genre, et ils disent ça c'est pas grave. Parce que toi tu crois en l'existence de Dieu et que Dieu est unique, donc ça suffit. Même si tu vas aller adorer un saint ou une tombe, tu es quand même musulman. Hein? Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont limité le tawhid à une seule catégorie, c'est tawhid al-rububiyyah. Et ils ont mis de côté tawhid al-asma al-sifat et tawhid al-ibada, qui est la base même du tawhid. Parce que tous les messagers de Dieu, quand ils sont venus à leur peuple, c'était pas pour leur dire, croyez qu'il y a un Dieu qui existe, qui est tout puissant et qui est unique. Puisque Quraysh, ils croyaient déjà en ça. Allah dit dans le Coran, « وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ » Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire « Allah ». Ça dit qu'ils adoraient toutes les idoles, les 365 idoles autour de la Kaaba, mais en même temps, ils croyaient qu'il y a un Dieu tout-puissant, que Allah existe, que c'est lui le créateur, que c'est lui le maître, hein, que c'est lui qui donne la subsistance, que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Ils reconnaissaient ça. Mais en même temps, ils faisaient le shirk, en prenant entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs, et ainsi de suite. Et c'est ça le danger du shirk. Hein? Tandis que les Asha'ira, les Maturidi et les gens de Kalam, pour eux, le tawhid, ça n'a rien à voir avec l'adoration. Ça se limite uniquement à l'affirmer que Dieu existe, qu'il est unique. Et ça s'arrête là. Donc le tawhid, pour eux, il a une seule catégorie. Hein? Et c'est ça la raison pourquoi tu vois que parmi eux le soufisme est propagé et répandu. La plupart des soufis sont Asha'ira. Ça c'est une chose qui est encore plus étonnante. La plupart des soufis sont des Asha'ira à cause de ça. Non, donc ça c'est ce qui vient résumer un peu ce point-là. Et je pense donc qu'on va s'arrêter au troisième point pour les choses qu'on peut tirer du verset 54 dans Surat Al-A'raf. On va continuer au prochain cours, Inch'Allah, avec qu'est-ce qu'on peut tirer dans les points numéro 4 et 5, puis on continuera par la suite le reste de l'explication. Donc, Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.